recensement. Mais pour l'humanité, le ciel préparait un événement. Le cours de l'histoire connut ainsi un radical changement. Car c'était la naissance, le tout premier avènement de Jésus-Christ, le prince de vie, le roi des rois, le Seigneur tout-puissant, avec des cris de joie, tous à la fois, célébrons le roi de gloire, Jésus-Christ est le prince de vie. Seigneur tout-puissant, avec des cris de joie, tous à la fois, célébrons le roi de gloire. De jour là pour tous les prêtres, au temple ce n'était qu'un enfant, mais étonnement il était surdoué, intelligent, parce qu'il était l'incarnation de la parole du Dieu vivant, l'agneau de Dieu qui ôte du monde toute forme de châtiment. Gloire à Jésus-Christ, le prince de vie, le roi des rois, le Seigneur tout-puissant, avec des cris de joie, tous à la fois, célébrons le roi de gloire. Jésus-Christ est le prince de vie, le roi des rois, le Seigneur tout-puissant, avec des cris de joie, tous à la fois, célébrons le roi de gloire. Qu'une condamnation, mais pour tous les hommes de la terre, c'était enfin la rédemption. Car le Fils de l'homme connut la gloire, car il a accompli sa mission. Il est le chemin, la vie, la vérité. La preuve, c'est sa résurrection. Contemplons tous Jésus-Christ, le prince de vie, le roi des rois, le Seigneur tout-puissant, avec des cris de joie, tous à la fois, célébrons le roi de gloire. Jésus-Christ est le prince de vie, le roi des rois, le Seigneur tout-puissant, avec des cris de joie, tous à la fois, célébrons le roi de gloire. Seigneur, nous régneront éternellement. Jésus-Christ, le prince de vie, le roi des rois, le Seigneur tout-puissant, avec des cris de joie, tout ça.